sous ma semelle. J'ai bibi toute la semaine. Faire couler le sang pour la coca. Les méchants veulent démanteler la boca. C'est bientôt la fin des temps. Elle n'hésite même plus à te dire qu'elle fait l'escorte. Te respecte si t'as des sous. Ça fait très très très longtemps que son âme est morte. Deux moteurs de 300 chevaux. Ramener le pactage, remonter la filière. Des kilos de moulaga. Gros couteau de boucher, tout ça dans la pépinière. T'es dans le bain, c'est plus moins d'une heure. Et tu te prends déjà pour un tueur. Comme Sosa, je remplis le vent de la mule. Et j'attends que tu fasses une virgule. J'suis dans le cheport comme Paul Walker. La puissance fiscale donne des hauts de cœur. J'ai pris maman dans les bras comme un gosse. Sans son amour, j'suis perdu comme dans Lost. J'ai retiré le RSA à la poche. J'serais même en Chanel ou bien en Lacoste. J'lui ferai la même à Libye, soit l'hôtel Ghost. Contrôlé dans le Clio ou dans le RR Ghost. Trop de faux frères. J'me suis brûlé, j'ai vu le soleil de trop près. Toki Walkie, j'guette l'hélico dans l'ouvre. C'est pas parce qu'elle sait juste qu'elle est amoureuse. Blow, blow, blow, blow. T'es dans le bain, c'est plus moins d'une heure. Et tu te prends déjà pour un tueur. Comme Sosa, je remplis le vent de la mule. Et j'attends que tu fasses une virgule. Direct on te pare-choc, SPG 9 Glock. J'suis dur comme un rock, on vit une mauvaise époque. Tu nous dois, on va te fuck et tu chies dans ton froc. Tu as changé de bloc, j'ai juste changé ma coque. On attend la résine, on va prendre racine. C'est cette vie de voyou qui nous assassine. La force est noire comme Palpatine. Qui aurait cru qu'on aurait fait des platines. Les bords sont arrivés, tout est passé. On va dégainer du LV et le classé. J'en ai marre de rêver que j'ai ramassé. J'ai du mal à rêver, trop de THC. La mort voit ton CV, elle veut t'enlacer. T'es prêt à la affronter quand t'es dans la D. T'es prêt à nous affronter, t'es dans la D. Tu vas nous respecter, bataladé. T'es dans le bain, c'est plus moins d'une heure. Et tu te prends déjà pour un tueur. Comme Sosa, je remplis le vent de la mule. Et j'attends que tu fasses une virgule.